votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète, la familia. J'espère que vous allez bien du côté d'Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, Olivet. Courage à vous si vous allez bosser ce matin. Bah oui, ça va être en grève aujourd'hui à 10h, rassemblement à la cathédrale. Donc évitez le centre-ville si possible. Ou alors si vous allez manifester, bah tant mieux pour les retraites. C'est aujourd'hui, ce mardi, ça va être un peu perturbé dans les cantines scolaires aussi. Donc renseignez-vous bien pour les enfants aujourd'hui. C'est la journée mondiale du bisou aujourd'hui à 7h du mat, donc vous pouvez faire plein de bisous partout. Belle journée, bon dia à la planète. Et puis je vous offre aussi vos places pour Camaleon, c'est samedi soir à la discothèque Le 7. Écoutez, samedi soir, ne ratez pas ce bel événement. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. Samedi 10 juin au 7 discothèque en showcase Camaleon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Camaleon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèque à Chingy. Heures, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Toute la famille Patraque, ouais, ils sont bien connus à Montpellier avec de belles chansons comme ça. Ça fait du bien de vous retrouver ce matin, d'être là, Franky dans la radio. Ça va être perturbé sur Orléans aujourd'hui à partir de 10h, rassemblement à la cathédrale pour manifester pour les retraites. Et puis le soleil sera bien présent sur Orléans, Châteauneuf, jusqu'à 28 degrés. Voici Gims. À me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Il vous accompagne au boulot. C'est Franky. muchacho, acompáñeme. Minutes sur Radio Cancel, belle journée, bon réveil sous le soleil aujourd'hui jusqu'à 28 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. La météo. Eh bien oui, le ciel aujourd'hui sera tout bleu, tout nuageux un petit peu aussi, mais le soleil sera bien présent, des températures plutôt pas mal au lever du jour. 12 degrés pour atteindre les 28 degrés sur Saint-Jean-de-Bray, Olivet, Saint-Privé, Saint-Mémin, Changy ou encore Saint-Y. Voilà, histoire de passer une belle journée peut-être pour vous en repos, ou là vous allez manifester à 10h, ça va se passer à la cathédrale, hein. Beaucoup de monde sont attendus, quelques perturbations sur les cantines scolaires, le réseau Tao n'est pas perturbé pour le moment avec mes renseignements. Estelle qui me dit sur internet, salut Francky, moi je vais manifester à 10h, je serai à la cathédrale. Ben voilà, bonne manif à tous. Et ouais, il faut se battre pour les retraites. Caméléon, c'est samedi soir au 7 discothèque. Je vous offre vos passes VIP. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Et vous allez voir Caméléon. Là, ils sont avec Michael et Steven. On les adore aussi. Caméléon, Michael et Steven. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, baila sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Fuego por dentro me quemó. 7h20 sur l'arc-en-ciel, Caméléon. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est tranquille. C'est la journée mondiale du bisou, vous pouvez faire plein de bisous partout. Ouais, vos enfants, vous voyez, qui viennent se lever par exemple, et ben plein de gros bisous. Vous pouvez embrasser votre patron en arrivant, vous lui dites, bah c'est la journée nationale du bisou, mondiale même. Eh ouais, plein de gros bisous, en tout cas on vous en fait. Le bisou le plus long de la planète, il a été réalisé à Tokyo, 58 heures, imaginez-vous 58 heures. Alors ils allaient aux toilettes ensemble hein, quand même, hein, toujours en s'embrassant. Ça a été le baiser le plus long de la planète. Francky au réveil, 7h-9h, 02-38-43-48-00. Si vous voulez gagner vos places pour Caméléon samedi, ben lâchez-vous, 02-38-43-48-00. 86, ce titre a été écrit pour Daniel Balavoine. Voici France Gall. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment. Elle est magnifique cette chanson, elle est vraiment magnifique. Ah, on adore. France Gall, évidemment, écrit pour Daniel Balavoine en 1986, après son départ au Paris-Dakar. Némanus, pour bien vous réveiller, bandi à la planète et la familia. C'est Francky dans la radio, 02-38-43-48-00. Je parle aussi vite que la musique. Vous m'appelez et c'est Caméléon pour vous samedi soir. Faço explodir no ritmo. bon pour se réveiller. Namanos sera la croisière, 7h28 minutes. Salut à Joël qui vient de se connecter sur le site de la radio. Salut Francky, belle journée à toi. Sous le soleil, 28 degrés, on est pas mal. Bah, on est pas mal, mon ami. Avec plein de douceur pour vous emmener au bureau, au chantier. Travailler ce matin. Bah, ouais, il faut y aller, hein. Avec Namanos, c'était pas mal. Et Fabiane, Juan Mai. Et tous ces moments. Bon dia, la planète et la familia. On nous parle de la grande fête de la radio, c'est le 1er de juillet, juste après. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai, ni renierai le passé. Remonter le temps, quand on s'est aimé, n'aurait pas de sens et n'aurait rien pu changer. Les souvenirs qui font renaître des sentiments. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai, ni renierai le passé. Remonter le temps, quand on s'est aimé, n'aurait pas de sens, il n'aurait rien pu changer. Il disait, disait, disait assis, tourner la page et tout effacer, je veux simplement te raisonner. Ça sert à rien de s'imaginer tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs, c'est la triste réalité. Oh oui, oh, olvídame mi amor. Oh oui, oh, ya se sanó el dolor. Oh oui, oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments. Vous adorez aussi le meilleur des souvenirs. Juan Mai avec Fabiane. Tous ces moments. Belle journée. Bon dia à la planète. Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h. C'est Francky et c'est maintenant. Ah oui, c'est maintenant. On vous réveille tous les matins, Redetlin. Je vous rappelle la grande fête de la radio, les 100 populaires. Ça va être le 1er et le 2 juillet prochain au parc de Lignerolles. Ça va être énorme à Fleury et les Aubrais comme tous les ans. Vous êtes des milliers de personnes à venir nous rejoindre. C'est la 30e édition. Donc cette année ça va être un peu festif, encore plus que les autres années. Déjà que c'est déjà assez festif, mais alors là on va mettre le feu comme on dit sur la scène. Bah j'y serai aussi pour mixer un petit peu, tiens, ça va me faire plaisir. Et puis alors il y a un gros programme, franchement. Je vous invite à vous connecter sur le site de la radio, radioarc-en-ciel.fr, et vous allez voir le programme en exclusivité. Il y aura les groupes de tambour, vous savez, comme tous les ans. Il y aura du spectacle, il y aura de la chanson, il y aura une soirée féerique avec le groupe Capanegra, enfin il y aura plein de choses. Je vous invite à aller sur arc-en-ciel.fr et vous allez voir tout le détail en programme. J'ai une page entière, hein, imaginez-vous une page entière de festivités à vous proposer le 1er et 2 juillet. C'est au parc de Lignerolles. C'est la 30e édition, les Santos Populaires. Et je peux vous dire, on va faire la fête avec vous. J'en suis sûr, ça va être caliente. Lui aussi, il est caliente. C'est pour Arminda qui les écoute du côté de Lutz, pas loin de Chartres. C'est Kalema. Et on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Ce n'est que des souvenirs. Oh mi amore, je voulais qu'on danse, qu'on danse sur les toits du monde. Je t'en connais, c'est you qui me fallait. Tes autres, ton fantôme qui me suit. Dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui s'effrite. Sur l'arc-en-ciel, belle journée, bon réveil, bon dia. La planète a... Ouais, Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h. C'est Francky et c'est maintenant. Et c'est maintenant, et aujourd'hui, la Normandie commémore le 79e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Tous ces héros qui sont venus de pays différents pour sauver cette belle France. Un peu grâce à eux, si on est là aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir de rendre un hommage. D'ailleurs, aujourd'hui, Macron va se rendre en Normandie pour justement avoir ce rendez-vous avec le dernier des commandos qui est encore vivant. Il a plus de 100 ans et il s'entretiendra aujourd'hui avec lui en Normandie. Voilà, ça va être assez sous le signe de l'émotion, je pense, ce beau rendez-vous aujourd'hui, 79e anniversaire de débarquement de la bataille de Normandie. On leur fait un grand big up à tous ces soldats qui se sont battus pour nous, pour la France, pour la liberté. Bah oui, Bob Sinclair aussi, on l'adore. Sur un arc-en-ciel, l'artiste organise. Never know you love like tears before. Belle journée, bon réveil. Like this before. Open my eyes. Rocky, et c'est maintenant. Belle journée sous le soleil aujourd'hui jusqu'à 28 degrés. Imaginez-vous, ça va être quand même énorme, hein. 28 degrés sur Orléans. Vous allez pouvoir faire bronzette aujourd'hui cet après-midi, peut-être au boulot, sur le chantier. Ou alors les chauffeurs livreurs aussi, à Estelle qui est chauffeuse. Ah bah tiens, je pense que ça dit comme ça, chauffeuse livreuse. Eh ouais, qui va vous livrer peut-être vos beaux colis ce matin. L'Algérino qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Si tu savais, Ayama, c'est ça pour sa maman qu'il avait écrite cette chanson. Voici en direct sur Radio Arc-en-Ciel l'Algérino. Et puis vendredi, il sera notre invité avec Dounia. C'est Caméléon. Ça va être du lourd vendredi à la radio. Voici l'Algérino. L'Algérino, si tu savais, Aïma. La météo. Et du soleil, il y a du soleil, des cocktails sans alcool bien sûr ce matin, au bord de la piscine peut-être. Ah mon poteau Alex qui est parti à Mykonos, ah il fait beau là-haut. Là, il y en a trop de la chance, il y en a qui vont aller à Charlemagne, il y en a d'autres qui vont à Mykonos. Et ben voilà, ça dépend des budgets après. Hein. Côté ciel aujourd'hui jusqu'à 28 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, Fayolleuge ou encore Chingy. Justement Chingy, on vous en parle de cette grosse soirée qui arrive samedi soir. Samedi 10 juin, au 7 discothèque, en showcase, Caméléon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèque à Chingy. Ah, ça va être lourd. Vous voulez des places, vous m'appelez 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00. Voici le son des années 2000 qui ont cartonné Denzel. Put your hands up in the air, pump it up. Hein. And the vibe is so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Let the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio. And the party's jumping, yeah. And the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, you've got to feel it. What's the name of the jam? Say I can feel it. You know you can. I've got my groove on, and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. Hey, qu'est-ce qu'on a fait la fête là-dessus dans les années 2000? Denzel, Pound Your Hands Up in the Air, Don't You Know, Pump It Up. Bah ouais, là vous êtes déjà en train de voler les bras, ça vous rappelle des souvenirs en club, ça, forcément, il y a 23 ans. Oh là là, ça passe vite, hein. Plein de douceur ce matin pour vous emmener au bureau, peut-être sur le chantier. On est là pour vous réveiller. Bandi à la planète et la famille, il y a Francky dans la radio, 7h-9h. Je vous rappelle le 1er de juillet, la grosse fête de la radio, c'est au parc de Lignerolles, 30e édition, les Santos Populaires. On vous attend nombreux et nombreuses 1er et 2 juillet. On vous parle de la soirée qui arrive samedi soir. J'ai des passes à vous filer, des passes VIP pour Caméléon. Ça va être énorme. What are you?

entiendo que por no morir lo intenta, olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo que por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más. Samedi soir, hein, la grosse soirée Caméléon, à ne pas louper surtout. Écoutez, écoutez. Samedi 10 juin, au 7 discothèques, en showcase, Caméléon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèques à Chingy. 0238 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez aller au concert samedi soir. 02 38 43 48 00, je vous offre deux passes VIP, c'est énorme quand même. Hein. Bonjour à Cristiano qui est là, salut Cristiano, bon dia Cristiano, voici Justin Kellas. FM, il y a Bernard qui nous appelait 02 38 43 48 00. Bravo Bernard pour les passes VIP pour Caméléon. Vous aussi, vous voulez vos passes? Ben vous m'appelez 02 38 43 48 00 et je vous file vos passes VIP pour samedi soir. Corps, section d'assaut, Sahabi, c'est le meilleur des souvenirs. Patron, pas d'employé du monop. Pour mes sarpilles, je sortirai la carte. Gold Core nous attend pour R&B, faut qu'on part, boy. Oh, v'là le gosse de Dennis. L'alcool, Red Bull, tu t'es t'as mis v'là le gosse. Pas de bol, c'est fini de garder le bad boy. Nous voyons se finir. Achim, on n'est plus menaçant. On a pris du recul, on marchera plus ensemble. Samedi, on veut plus te mettre ensemble. On fait tes narines et faire peur aux passants. Les avis, on a des attitudes des avis. Nous nous sommes remplis de petits avis. La série pour les mots en gros les avis. En attendant l'apogée. En attendant l'apogée. En attendant l'apogée. Oui, en attendant l'apogée. En attendant l'apogée. Ça va vite, reste attentif. Car à Paris ça va vite. Sois sur les vides. Car très souvent ici les débits ça varie. Ça one shot. Que les groupies s'échangent en geisha. Insulter la mère des gens gratuits, ça paye pas. Comment t'expliques qu'on fasse des concerts jusqu'aux Pays-Bas? Pays-Bas, Guadalajara. So good, voici baby. Tu veux des sensations, t'inquiète, j'en apporte moi. Laisse-moi ton fun, je te rappelle si t'es Nathalie Portman. T'auras tout le temps de m'analyser. Je quitte pas la capitale, tout comme Mona Lisa. Rendez-vous au White Dream. Si je suis pas là, c'est que je suis au White Beach. Aujourd'hui, tout le monde nous baratine. Mais tous les petits parlent en Wadid. One, two, three, c'est pour toi ma chérie. Et pour tous mes frères Tunisie, Maroc, Algérie. One, two, three, c'est pour toi ma chérie. Et pour toute la France Tunisie, Maroc, Algérie. Ça va vite, reste attentif. Car à Paris, ça va vite. Sois sur le beat. Car très souvent ici, les débits, ça varie. C'est qu'on t'estime, yeah. On sait ce que c'est que d'être traité comme des domestiques. Style élastique, wesh, c'est quoi strip? Je suis avec mon sarbi, corps, écoutez-moi ce qui se passe. Si t'as les outils aux trousses, faut les semer, semer. Si ton phone est sur écoute, laisse sonner, sonner. Sarbi, on vise que le sommet, sommet. On prend les yeux ouverts, on n'a pas souvent sommeil. On se retrouve au soleil, avec tous les stars. Depuis tout son rêve, d'une vie de star. On est peut-être les meilleurs, vu les stars. Mettez Ryan B. Fever dans les stades. Harry Lebem, on connaît une bourrée brise à coller. Si t'es pas notre sarbi, ça peut pas. Ça c'est bon, alors. Ancienne, hein, corps, section d'assaut. Sarabi, l'époque de la section. Redette là, c'est Francky dans la radio. 8h03, on est en direct. Le meilleur de la Tena de Portugal. Bandi à la planète, à la famille. Ribandela, le couloir bien. Mon, on aura Kenji aussi. Puis vos passes VIP pour aller voir Camaleon. C'est samedi soir à la discothèque Le 7 avec Radio Arc-en-Ciel. Ça va être une pure soirée. Bandi à la planète. Lui il me fait délirer lui, hein. Rue Mandera, je me mets le clip en même temps. La coupe des cheveux à son arrivant, hein. Luca de la mort là. Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h. C'est Francky et c'est maintenant. Eh ouais, c'est maintenant ou jamais, hein. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez empocher vos deux passes VIP pour samedi soir au 7 discothèque à Changi avec Radio Arc-en-Ciel, Kamaleon, ça va être une pure soirée. Le mec, il arrive d'Espagne, je peux vous dire, il est chaud comme une cabane à frites, hein, comme on dit. Et il sera mon invité vendredi à la radio. Eh ouais, à 8h30 depuis l'Espagne au téléphone, Kamaleon avec nous au téléphone. Et puis aussi, elle sera au téléphone juste avant. C'est celle qui fait la première partie. Elle s'appelle Dounia, une jeune artiste orléanaise. Vous allez voir, elle envoie du très très lourd. Elle fera la première partie de Kamaleon. C'est sa première pour elle. Elle est toute excitée, comme on dit. Elle est toute enchantée aussi. Et on l'aura aussi au téléphone pour nous parler un peu justement de cette première partie, comment elle la prépare et comment elle ressent justement cette grande artiste. Parce que Kamaleon, il faut dire une chose, hein. Il sera quand même le 7 juillet à l'Accor Arena. Lui, Kamaleon, il fera la première partie d'Ozuna le 7 juillet. Ah, si c'est pas du lourd quand même, donc, et en attendant, il sera à Changi samedi soir pour gagner vos places. Vous m'appelez tout de suite, vous prenez votre smartphone, vous faites 02 38 43 48 00. C'est pas compliqué. Et là, je vous file deux places VIP pour samedi soir. Et c'est facile. C'est maintenant Annabella, bon dia. Bon dia. Alors mon Francky, comment tu vas? Ah bah tout bien et toi? Ah bah moi ça va, bon bah toujours convalescente, mais bon, avec tes chansons et puis ta bonne humeur, ça me fait du baume au cœur. Et bah voilà, si t'as du baume au cœur, c'est l'essentiel Annabella. Bon, samedi soir... avec ta musique. Ouais, on est là pour ça. Samedi soir, ça te dit d'aller voir Kamaleon? Ah bah bien sûr. Alors toi, tu l'as déjà vu toi, Kamaleon? Ah oui, je l'ai déjà vu il y a à peu près 4-5 ans, ouais, à Aubenas, dans une super discothèque. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire deux belles vidéos avec lui et d'avoir un autographe. Ouais, super sympa. En tout cas, il sera à la radio vendredi, hein, pour nous parler du concert. Il est génial, ouais. Ouais. Il est sympa, ça va, il est sympatoche. Ouais, il est super. Par contre, v'là les gardes du corps pour l'approcher là-bas. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais, il est connu. Hein. J'ai dû galérer. Hein. Je te dis qu'à 5-6 heures du matin, après une bonne nuit de discothèque, pouvoir aller le voir, c'était chaud. Et ben voilà, je t'offre deux places pour samedi soir, Annabella, ok? Ah, c'est un amour. Et ben j'irai manger une pizza. Ouais. Et puis après, ben, on ira faire une belle petite soirée avec ma copine. Et ben on te réserve une place pour l'after. Hein. D'accord, ça marche. Et t'inquiète pas, il sera accessible là, samedi soir, Kamaleon. Hein. Ça, il va être accessible. Bah t'inquiète pas, je pense qu'il va me reconnaître. Ah, bah ouais, une belle femme comme toi. Ok, Annabella, je te dis rendez-vous samedi soir pour faire la fête ensemble avec Kamaleon. Ça marche, mon Francky. En tout cas, garde la pêche et c'est génial ce que tu fais. Merci. Et ça fait des années que je te suis et t'es le meilleur. Ah, ça fait plaisir, ça me touche au cœur, Annabella. Ah oui, c'est la famille. Salut, belle journée. Salut toi aussi mon gars. Merci. Merci, bisous. Vous aussi vous pouvez gagner vos places, hein, pour Kamaleon. 02 38 43 48 00. Salut la famille.

lundi au vendredi, retrouve Francky, 7h-9h, sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Cet été, je vends de la moula, Ben Ali Kanté, le guitar qui crie à ça, Alba au quartier, ma brunette, le chapeau de paille. Belle journée. Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h, c'est Francky et c'est maintenant. Ben c'est maintenant l'heure de vous faire des bisous, peut-être parce que c'est la journée mondiale du bisou sur la planète Terre. Donc n'hésitez pas, peut-être votre patron, votre chéri, vos enfants aussi, un beau bisou, ben ouais. Donc n'hésitez pas, la journée mondiale du bisou. Et puis aussi on commémore la 79e année des débarquements de Normandie, les Américains, les Canadiens, j'en passe, qui ont sauvé la France. C'était le 6 juin 44 et à 2h du matin. Et aujourd'hui Macron sera là-haut, justement sur les plages de Normandie, pour rencontrer le dernier commando qui a 101 ans, je crois. Il va pouvoir discuter un peu avec lui et se remémorer un peu cette bataille, cette guerre qui ont fait les Américains, les Canadiens, il y a des Italiens, il y avait un peu tout le monde. Franchement, c'était du très très lourd. Du son qui arrive du très très lourd, c'est mon pote Alex Weba, et justement il sera le 10 juin au village d'exposants à l'espace Bérère, et ça me fait plaisir de le retrouver ce matin. Voici Alex Weba, mon pote.

Carlos, au nom de la rose. La meilleure des souvenirs, ça quand même. Bon souvenir des années fin 98-99, au nom de la rose. Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h, c'est Francky et c'est maintenant. Et puis n'oubliez pas le 1er et le 2 juillet, les Santos Populaires, la grosse fête de la radio, la 30e édition au Parc de Lignerolles. Une belle soirée à ne pas louper, on compte sur vous, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour faire la fête avec nous. Bah ouais, on adore, ça va être au Parc de Lignerolles. Une belle soirée à ne pas louper, Radio Arc-en-Ciel fête ses 30 ans, les Santos Populaires, le 1er et le 2 juillet. On fera la fête avec vous et je peux vous dire, allez faire un petit tour sur le site de la radio, vous allez voir, il y a une pléiade d'artistes qui seront là et ça va être caliente. Sarah, je vous l'adorer, elle refait plein de covers, elle reprend la version French de Ed Sheeran et voici son hit. Votre réveil matin, c'est Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Comme Bonnie and Clyde, j'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Babe, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici. On est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, on tout s'attire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Babe, alors. sexy raffiné. Elle est sexy raffiné. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. Chocolat, café, vous buvez quoi le matin à vous thé? Moi je suis au thé, thé, regarde le blaze, thé à la menthe, thé vert à la menthe, c'est pas mal, je l'ai pécho ce matin. Eh ouais, j'adore ça le thé le matin, ça fait pisser en plus. Kevino qui arrive, et puis une grosse surprise au téléphone, Alex Le Bay qui arrive, bon dia à la planète. Alô, porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que na minha rua. Você não me atendeu, já tava mal preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que. Ah, ça fait du bien ça aux oreilles. Kevino, c'est le son du Brésil. Bandit à la planète, si vous voulez arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou Pithiviers. Lui, il arrive d'Orléans, je crois. C'est Alex Le Bay. Et il sera samedi soir à l'espace Bérère. On va vous en parler, mais ça tombe bien, il est au téléphone avec nous. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Franck. Cocorico, j'adore réveiller les gens le matin. Bonjour Alex Le Bay. Salut Francky, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Je t'ai réveillé? Non, ça va. Mytho. Quel plaisir de t'avoir au téléphone, comme dame, un habitué de la radio, Alex Le Bay. Il sera en concert, c'est samedi, Alex? Ouais, c'est samedi, ouais. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, bon, alors bon, commence par la mauvaise. Par la mauvaise. Allez, vas-y. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il pleut samedi. Ah mince. Pour les Orléanais, ça va être un peu compliqué là de sortir, etc. Ouais, il pleut, attends. On joue à l'espace Bérère, donc c'est couvert et c'est une salle des fêtes. Ouais. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même pouvoir sortir et venir au Mavrika Live à l'espace avec Mavrika Live, le roi de la radio. Ouais, il pleut, j'ai regardé sur Météo France, ouais, ils annoncent de la pluie, mais bon, c'est pas forcément toute la soirée, hein, ça va être mitigé, hein, on va croiser les doigts. Oui, oui. Alors, il y aura quoi samedi alors? On s'attend à quoi? Alex Leba, il sera là, c'est sûr. Alors, moi je serai là, il y a trois autres groupes qui seront là. Mmh. Et puis, il y aura un petit village d'exposants. Il y aura, parce qu'il y a pas mal de gens tiens, d'ailleurs qui me demandent, donc c'est vrai que j'en profite, mais il y aura mon sponsor hein, qui fait mes casquettes, mes t-shirts. Ouais, super cool le mec, le barbu là. Donc pour ceux, voilà, Barbu Brother, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez directement le voir et puis trouver votre bonheur pour l'été avec la casquette Barbu Brother. Ça va être sympatoche alors. Ouais, voilà, il y a pas mal d'exposants, tout ça, et puis après, la soirée concert, la soirée du set discothèque. Bah ouais, alors la radio est partenaire, on peut en parler, hein. Et après, vous pouvez nous rejoindre au set discothèque à Cabaleon, ça n'a rien à voir avec le rock, etc., mais ça va être sympatoche en tous les cas. Oui, ah bah oui, carrément, ça va être un gros événement. En tout cas, on compte sur vous pour rejoindre la bande à Mavrika Live. C'est ce samedi avec Radio Arc-en-Ciel, le 10 juin. Le village d'exposants, il y aura plein de choses. Hein, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça. Ça démarre à quelle heure, Alex? 18h30. Attends, je note ça sur la journée. 18h. Parce que moi, je vais essayer de passer vite fait. Hein. Je te garantis pas que je vais passer longtemps, mais je vais passer te voir. Hein. Bon, et puis, bon, il y a 4 groupes du coup. Hein. On est 4 à jouer. Donc... D'accord. Donc ça va être vraiment sympa. Ça va être rock, comme le dit Mavrika. Voilà. On le salue au passage, mon ami Mavrika. Oui. Bel événement avec Radio Arc-en-Ciel. Bon, merci Alex Lebaï de t'avoir réveillé. Désolé. Hein. La vie, c'est ton single qu'on adore à la radio. On l'écoute? Allez, c'est parti. La vie. Bonne journée, Alex. Bonne journée. Allez, Bandeya. Salut la planète. J'avais un rêve, jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. La we'll be right back.